De la Bébélière à Thérèse, le 17 ou 18 avril 1897. Pâques, Alléluia. Ma bonne et bien chère petite sœur, notre Seigneur permet que nous plantions aujourd'hui sur le Tabor notre tente, hier encore dressée au pied de la croix sur le calvaire, hier les larmes et le deuil, aujourd'hui l'Alléluia joyeux. Et comment mieux qu'en famille se réjouir et chanter, je viens donc, entre ma sœur et ma mère, bénir Jésus pour la joie qu'il nous donne après avoir agréé notre pénitence pendant le carême. Et j'accours tout ensemble vous dire tout le plaisir que vous m'avez donné par les poésies que vous avez eu la bonté de me copier. Elles ont dû prendre beaucoup du temps de vos récréations. Et je vous demande presque pardon d'avoir été la cause de ce travail. Pourtant je n'insiste pas trop car vraiment j'ai eu trop de plaisir. Vous n'attendez pas, ma chère sœur, que je les apprécie, je n'y songe pas non plus, estimant avec une juste raison que je demeurerai au-dessous de l'exactitude, sachez seulement que j'ai été ravi et heureux. Ce ne sont pas de banals compliments que je vous adresse, mais l'expression de mon sentiment. Vous composiez pour les carmélites, mais les anges doivent chanter avec vous. Et les hommes tout grossiers qu'ils sont, comme moi, trouvent un charme vrai à lire et à chanter cette poésie du cœur. Tout m'a plu et particulièrement peut-être, mon chant d'aujourd'hui, à Théophane Vénard, et pour cause, rappelle-toi, à mon ange gardien, etc. Pardon, je m'aperçois que je nommerai tout, oui, tout m'est agréable et précieux. Merci, simplement mais sincèrement, pour votre bonté, vous savez prendre toutes les nuances, douceur avec les sacristines du Carmel avec, tout à côté, les mâles accents du guerrier dans, mes armes, j'aime vous voir parler, lance, casque, cuirasse, athlète, et je souriais à la pensée de vous voir ainsi armé. Cependant Jeanne d'Arc que, vous aimez et que, chaque jour j'invoque moi-même, sous ce titre, que j'ai salué à la fin du cantique, Sainte Jeanne de France, Jeanne d'Arc les porta, et aussi ces armes que vous chantez qui sont sans doute sa plus belle parure. Je suis essoré, ma sœur, fidèle à la petite prière que vous m'indiquez, c'est sacré. Toujours je la ferai, même si, votre exil était court, je vous avais deviné, ma sœur, j'avais souligné dans le cantique de l'amour ce vers. J'en ai l'espoir, mon exil sera court, et cet autre, je le sens, mon exil va finir. Je comprends vos désirs, votre impatience, vous êtes prête, petite sœur, à entrer au ciel et votre époux Jésus peut à tout instant tendre la main qui vous mettra sur le trône de la gloire, vous êtes impatiente comme l'épouse du cantique, tirez-moi à vous, dit-elle, se traînant au pied du bien-aimé, toute défaillante de la flamme qui la dévore. En analysant et méditant ce cantique des cantiques, je l'appliquais à la carmélite et à son Jésus. Et c'est sans doute pour cela que je l'ai rédigé, en ce sens, comme naturellement et que par place sont venus se ranger des vers du vivre d'amour et autres. Et vous avez raison lorsque vous dites qu'il ne m'est pas permis de chanter comme vous. Non, vraiment, j'ai d'abord à faire oublier à Dieu par un rude labeur et une vraie pénitence un passé de péché, et ensuite faire quelque chose pour Dieu. Travailler à sa vigne. Avant d'être à l'honneur, Jeanne d'Arc fut à la peine, et plus que tout autre j'ai à expier, et si j'y arrive jamais, je vous dirai alors, ma sœur, demandez à Dieu que je succombe à la peine, demandez, pourquoi pas que je meure martyr. Ce fut mon rêve toute ma vie, autrefois, j'ambitionnais de mourir pour la France. Aujourd'hui pour Dieu, vous savez, Si mourir pour son prince est un illustre sort, quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort? J'ai encore beaucoup à répondre à votre lettre, et je me trouve pris, je vais serrer, pardon, vous me demandez des dates, merci de cette délicate attention. Je fête ma naissance et mon baptême le 10 juin, la date de ce dernier est le 25, mais la religieuse qui me donna les premiers soins dut me baptiser, ma première communion, le 7 juin, mon admission dans la congrégation de Saint-Joseph, le 21 novembre, dans celle de la Sainte Vierge et Saint-Louis de Gonzague le 8 décembre, et en même temps, le 8 décembre, ma prise de soutane et ma réception comme aspirant missionnaire, le 15 octobre qui vit votre charité pour moi et l'engagement que je prie de me souvenir, tous les jours jusqu'à l'éternité, de vous au memento de la messe, avec d'autres œuvres. Tout ce qui m'est arrivé d'heureux, ou de malheureux, se trouve presque exclusivement en juin, c'est en ce mois que j'abandonnais l'école militaire où je me préparais à entrer, pour me tourner vers Jésus qui m'appelait à d'autres conquêtes, et vous-même, ma bien chère sœur, célébrez des dates mémorables, me permettez-vous de m'y associer, en janvier prochain, je fêterai du moins vos noces d'argent de naissance, si je ne me trompe, et ce sera d'Afrique, j'espère. Je vous remercie aussi de vos intentions comme marraine mais ne voulez-vous pas aussi donner des noms en souvenir de vous-même au petit Bédouin. Si le premier était une fille, je vous prie d'avoir cette bienveillance. Puisque votre exil demeure, ma sœur, veuillez me continuer la douce consolation de vos bonnes et saintes pensées. Vous ne saurez jamais estimer le bien qu'elles me font, la brise qui vient du Carmel rafraîchir mon front brûlant et fatigué me rend meilleur en me donnant nouvelle ardeur, dans le cœur de Jésus, l'entremetteur de nos âmes. Je vous assure de nouveau, ma bien chère et bien bonne petite sœur, des prières et du très respectueux dévouement de votre misérable frère. Marc Emdan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisieux.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.